Vous écoutez Les Nuits de France Culture. Ainsi se termine votre nuit rêvée, Alex Baupin. Au cours de cette nuit, nous avons entendu les voix de John Irving, Valérie Lemercier, Étienne Dao, Marie Trintignant, Franquin, Léo Scarax, Maurice Pialat et Pierre Mendès France. Et il a été question de tennis. Et nous avons également entendu Chet Baker, Bourvil, Klaus Nomi et à l'instant quelques notes de la balade numéro 1 en sol mineur que nous avions déjà écoutée ensemble tout à l'heure par Samson François. Avant de nous quitter, Alex Baupin, nous avons eu l'occasion durant cette nuit de revenir sur différentes périodes de votre histoire de chanteur, de musicien, d'évoquer les différentes facettes de votre talent. La scène, les disques, la musique pour le cinéma, les chansons pour vous, celles pour les autres, celles avec les autres. À ce moment de votre vie d'artiste, quelle direction entendez-vous donner à la suite de votre histoire de musicien et de chanteur? Ah ça y est, il faut que je vous dise ce que je vais faire après. Écoutez, Alban, c'est une question que je suis en train de me poser, moi aussi, forcément, puisque c'est 2020, c'est le début de l'année, donc il faut réfléchir à ça. En tout cas, il est absolument certain que ce que j'ai commencé à faire avant, c'est-à-dire faire autre chose qu'être uniquement chanteur, c'est quelque chose qui, dans la situation actuelle, on est obligé de faire. On est obligé de faire d'autres choses, de proposer d'autres choses. Alors, sans vous vendre tout, j'ai une idée de spectacle musical depuis longtemps, que j'aimerais bien mener à bien. Et que je suis en train de remettre sur l'ouvrage, je sais pas comment dire, enfin que je suis en train de relancer, voilà. Je vais sans doute refaire un projet parce que je l'aime beaucoup et on s'était tellement bien entendu avec Isabelle Monin. Je sais pas si c'est un livre dit, je sais pas quelle forme ça prendra, mais ça fait un petit moment qu'on tourne autour et je crois qu'elle a une idée qu'elle doit m'exposer bientôt. Donc je peux pas vous en dire plus vraiment, mais en tout cas il y a quelque chose qu'elle a envie de faire. Et puis j'aimerais continuer un travail que j'ai commencé avec Françoise Fabian, qui sera pas forcément un deuxième disque, ça sera peut-être quelque chose qui passera plus par la scène, mais en tout cas ça m'intéresserait de continuer à travailler avec elle, parce que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai une musique de film sans doute qui va tomber là, j'ai 3 ou 4 projets pour 2020 qu'il faut que je... Voilà, 2020 ça va être une année où je suis en tournée, donc je présente mon album, et puis où je prépare des choses qu'on va découvrir dans 2 ans. Généralement ça se passe toujours comme ça avec les artistes. Hein. Mais j'ai 3 ou 4 projets qui m'excitent en dehors... Du fait de penser, je vais me laisser un peu plus de temps pour y penser, à un nouvel album pour moi. Donc je vais faire chanter des gens, et puis je vais travailler avec des gens, et puis me retrouver dans des livres, sur des scènes de théâtre, enfin dans plein d'endroits différents. Et c'est ça que j'aime bien, moi, c'est je fais que des chansons, mais je les fous partout. Voilà. Donc je vais faire ça à nouveau en 2020. Comment vous sentez-vous dans la musique, dans la chanson française d'aujourd'hui, en bonne compagnie? Oh oui, quand même. Bah, ne serait-ce que les gens qui ont mon âge, je trouve qu'on est quelques-uns à avoir continué et que, voilà, ma génération qui est celle de Biolay, Jeanne Chéral, Vincent, Delerme, tout ça, voilà, les gens ont pas l'air de dire qu'ils en ont trop marre et on continue à faire des albums, donc ça veut dire que, il y a quand même une génération qui existe, qui a peut-être apporté quelque chose de cette génération qu'on appelait la nouvelle scène française. À un moment donné, je suis arrivé un peu plus tard, mais je me raccroche quand même au wagon. Et puis il y a les nouveaux qui arrivent que moi j'aime beaucoup, une fille comme Clara Luciani par exemple. Avec qui vous... Qui chante dans mon album, que j'ai fait chanter sur une adaptation que j'avais fait des gens dans l'enveloppe, le livre 10 dont on a parlé à la Philharmonie, et que voilà, et qui fait un album que je trouve absolument magnifique, qui me font peur en même temps parce qu'ils nous poussent vers la sortie, et en même temps ils arrivent, ça y est on sent qu'il y a une génération qui déboule, et qu'ils ont des choses à dire d'une façon différente, et voilà, et d'une certaine façon, je suis aussi entouré de cette façon-là, par les gens plus jeunes, et puis par des gens plus âgés qui sont encore là, que ça soit Étienne Dao ou Alain Souchon qui a sorti un album que je trouve absolument remarquable. Et voilà, moi j'ai toujours eu cette terreur de me dire, quand on vieillit, on fait des choses de moins en moins bien. Et bien, heureusement qu'il y a des gens comme Étienne Dao et Alain Souchon qui me prouvent le contraire et qui me font me dire que, tiens, peut-être que j'ai encore allez, 2-3 albums devant moi. Merci beaucoup Alex Baupin de nous avoir fait partager votre nuit rêvée. Merci Alban, c'était très agréable. Chargé de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique, Jean Frédérics, réalisation, Virginie Mourté. Alban Penaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une très bonne journée sur notre chaîne. Vous pouvez télécharger pendant 1 an et réécouter quand vous voulez la nuit rêvée de Alex Baupin sur le site franceculture.fr à la page des nuits et consulter l'agenda des concerts à venir sur son site dont vous trouverez les références sur la page de notre émission. Il sera en mars à Saverne, Bichevilleur, Cachan, Levallois, Guérande, Nîmes et Corne-Barieux, en mai à Célestat et en novembre 2020 de nouveau à Paris au Trianon. Très bonne journée à vous Alex Baupin. Bonne journée Alban. Très bonne journée à toutes et à tous. Et nous nous quittons avec Late Night, un titre d'Étienne Dao.